À l'occasion de la 8e conférence des travailleurs agricoles de Corée, le maréchal Kim Jong-un a reçu les messages et lettres de félicitations. Les dessinateurs sont des personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques et des formations d'amitié de divers pays, comme le président du comité du Parti communiste norvégien pour la province de Vestfold, le président de l'Union des travailleurs des domaines de l'agriculture, des denrées alimentaires et de l'environnement naturel, le secrétaire général du conseil directeur central de la Fédération syndicale des transports de l'Indonésie, le président de la Fédération des syndicats du territoire maritime de la Fédération de Russie, le secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes du Sénégal, le président de l'Association d'amitié Slovénie-Corée et un co-président du comité préparatoire africain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec le sein 2017. Ils ont formulé leurs chaleureuses félicitations au maréchal Kim Jong-un et souligné que la 8e conférence des travailleurs agricoles de Corée sera une occasion décisive dans la grande marche des travailleurs agricoles coréens pour l'édification d'une puissance socialiste.